إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Nous poursuivons, bi'idhnillahi ta'ala, notre cours sur les trois fondements de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, avec le commentaire de son éminence, l'imam Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah. قال المؤلف رحمه الله تعالى والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الآيات Donc ensuite l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah dans la conclusion de cette risala extrêmement bénéfique et extrêmement profitable que nous devons étudier et réétudier autant de fois que possible pour que ça s'ancre dans le cœur et que ça se traduise dans notre vie de tous les jours. Car c'est ça l'ilm al-nafi', la science bénéfique, la science profitable, c'est pas de passer sur le livre comme ça, mais c'est de prendre la science qu'il y a dedans et avec l'aide d'Allah Azzawajal de la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Donc il a dit, rahimahullah, al-hijra, c'est le fait de quitter la terre de mécréance, la terre de polythéisme, vers la terre d'islam. Et al-hijra, l'émigration, c'est une obligation pour cette communauté de la terre du polythéisme vers la terre d'islam. Et son obligation demeurera jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'arrivée de l'heure, qui est l'heure de la fin des temps. Et la preuve sur cela réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le sens des versets, ceux dont les anges reprennent l'âme, alors qu'ils sont en état d'injustice avec eux-mêmes, ils leur dirent « Où en étiez-vous » C'est-à-dire à propos de votre religion. Ils répondront « Nous étions impuissants sur terre. » Alors les anges diront « La terre d'Allah n'était pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination ! À l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, qui sont incapables de se débrouiller et ne trouvent aucune voie. Dans l'explication, les savants ils disent, ceux qui ne trouvent ni monture, qui ne sont incapables de se débrouiller, c'est-à-dire qui ne trouvent pas la monture pour faire le voyage, un voyage nécessitant une monture. Et la deuxième chose qui fait exception, ceux qui ne trouvent aucune voie, qui ne connaissent pas la route vers la terre d'Islam. À ceux-là, il se peut qu'Allah accorde le pardon. Allah est clément et pardonneur. Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah, a dit dans son commentaire « فَلَمَّا اسْتَقَرَّ فِي الْمَدِينَةِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ أَمَرَهُ اللَّهُ بِبَقِيَّةِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ من الزكاة وصيام رمضان وحج البيت والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن المدينة صارت دار إسلام وهي العاصمة الأولى للمسلمين فلهذا أمروا بهذه الأمور. Et quand le prophète عليه الصلاة والسلام s'est installé à Médine après le Hijra, Allah Azza wa Jal lui a ordonné le reste des législations de l'islam telles que le zakat, le jeûne de Ramadan, le pèlerinage, le jihad, le combat dans le sentier d'Allah, ordonner le convenable, interdire le blâmable, car l'Madina est devenue une terre d'islam et c'est devenu la première capitale pour les musulmans. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla leur a ordonné ces choses-là. لأنهم يتمكنون حينئذ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا من رحمة الله عز وجل أن أجل هذه الواجبات إلى أن هاجر إلى المدينة وكان أصل الزكاة مشروعا في مكة كما قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية وآتوا حقه يوم حصاده. Il a dit ensuite, rahimahullah, Allah Azza wa Jalla leur a ordonné ces choses-là, car à ce moment-là, ils pouvaient les faire, ils pouvaient les pratiquer, ils pouvaient ordonner le convenable et interdire le blâmable. Et ça, ça fait partie de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla envers cette communauté. Le fait d'avoir reporté certaines obligations jusqu'à l'Hijra, jusqu'à après l'émigration vers Médine. Alors, cependant, la base de zakat était déjà légiférée à Mecca, mais pas zakat qui a été légiférée à Médine, que nous connaissons au jour d'aujourd'hui. Comme Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-An'am, qui est une surah qui a été révélée à Mecca. Il a dit Allah Azza wa Jal, وآتوا حقه يوم حصاده, dans le sens rapproché des versets, et acquittez-en les droits le jour de la récolte. Donc ça, c'était déjà légiféré à Mecca. Mais zakat, telle qu'elle est connue aujourd'hui, elle a été légiférée fil Medina. Elle a été légiférée à Médine. ولكن أنصباؤها ومصارفها ولكن أنصباؤها ومصارفها وتفاصيل أحكامها كل هذا صار في المدينة وهكذا صيام رمضان شرع في السنة الثانية من الهجرة وهكذا الحج شرع في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة وأنزل الله فيه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا في سورة آل عمران وهي مدنية. Il a dit, rahimahullah, cependant les parts et la désignation des ayants droit dans la zakat, ainsi que les autres détails et les règles de la zakat, tout ça, ça a été légiféré à Médine. Et de même pour le jeûne de Ramadan, qui a été légiféré dans la deuxième année de l'Hijra. Il a été légiféré dans la deuxième année de l'Hijra. Et de même pour le Hajj, qui a été légiféré dans la neuvième année ou la dixième année de l'Hijra. Une divergence entre les hommes de science. Allah Azza wa Jal a révélé وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ. Et au sujet du Hajj, Allah Azza wa Jal a révélé ce verset dans sourate Ali Imran, qui est une sourate qui a été révélée à Médine, dans le sens rapproché des versets. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'effectuer le pèlerinage dans la maison, Al-Kaaba, et quiconque mécroit, Allah se passe largement de l'univers. Wa hakadha al-jihad. أمر به في المدينة وكان في أول الأمر يجاهد من جاهد ويكف عن من كف عنه ثم أمر بأن يبدأهم بالقتال وأن يجاهد الكفار وإن لم يبدأوا فيدعوهم إلى الله ويرشدهم إليه فإن أجابوا وإلا قاتلهم حتى يستجيبوا للحق إلا أهل الكتاب فإنه يقبل منهم الجزية. Et de même pour la législation de l'jihad, du combat dans le sentier d'Allah, qui a été ordonné à Médine. Alors qu'au début, le Nabi Aïssa salam, il ne combattait que celui qui le combattait. Et il ne combattait pas celui qui ne le combattait pas. Et ensuite, Allah Azza wa Jal lui a ordonné de commencer le combat envers les mécréants. Quand bien même, ce n'est pas eux qui commencent. Il les appelle à Allah Azza wa Jal. Il les guide vers Allah Azza wa Jal. S'ils répondent favorablement, sinon, ils les combattent jusqu'à accepter la vérité. Sauf les gens du livre, ils acceptent d'eux, même s'ils refusent l'islam, ils acceptent d'eux al-jizya, qui est une sorte d'impôt que de laquelle doit acquitter les gens du livre. Et entre parenthèses, il y a des hommes de science qui font rentrer également Al-Majus. Et c'est ce que Cheikh il a dit ensuite, il a dit, Rahimahullah, « وَسَنَّ اللَّهُ فِي الْمَجُوسِ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِمَّا إِسْلَامٌ وَإِمَّا جِزْيَةٌ وَأَمَّا بَقِيَّةُ الْكَفَرَةِ إِمَّا الْإِسْلَامُ وَإِمَّا السَّيْفُ مَعَ الْقُدْرَةِ. » Et donc Allah Azza wa Jal a légiféré, il dit, rahimallah, pour le Majus, il a légiféré la même chose que les gens du livre. Ou bien ils acceptent l'islam, sinon c'est cet impôt duquel ils doivent acquitter, et sinon c'est le combat. S'ils refusent les deux, c'est le combat. Par contre, les autres mécréants, à l'exception de ces trois, et notez bien que les gens du livre ont des règles spécifiques dans l'islam, mais ça ne veut pas dire que c'est des croyants, que leur pratique est acceptée par Allah Azza wa Jal après l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est quelque chose, c'est une croyance qui existe chez beaucoup d'ignorants. Et c'est faux. Les gens du livre, ils ont un statut. Mais Allah Azza wa Jal qui leur a donné ce statut dans le Coran, il les a jugés comme mécréants dans le Coran également. Donc ça, c'est bien de le rappeler dans nos familles, surtout pour ceux qui vivent avec les kuffars, car c'est des choses qui sont ignorées, comme j'ai pu le constater. Les autres kuffars, ils ont le choix entre deux. Ou bien ils acceptent l'islam, sinon c'est le combat. وبعدما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة توفاه الله إليه بعد عشر سنين من الهجرة بعدما بلغ البلاغ المبين وأكمل الله به الدين وأتم به النعمة كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Ensuite il a dit رحمه الله: après qu'Allah عز وجل a parachevé pour lui la religion et après qu'Allah Azza wa Jal a parachevé pour lui, c'est-à-dire pour notre prophète alayhi salam, et pour nous également la religion, et après qu'il a accompli pour lui le bienfait, son bienfait, c'est-à-dire la religion de l'islam, Allah Azza wa Jal a pris son âme 10 ans après le Hijra, après qu'il ait transmis la religion de la manière la plus parfaite et que Allah Azza wa Jal a complété avec lui cette religion et que Allah Azza wa Jal accomplit pour sa communauté son bienfait. Comme Allah Azza wa Jal a dit dans le sens du verset: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et dans l'autre verset, dans son sens: tu mourras et ils mourront. Ensuite, le jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Ça, c'est un dalil que notre prophète, alayhi salam, est mort. Alayhi salatu wassalam. Et sa religion continue. Et sa sunna continue également. Toute personne la demandant puisse avoir accès à sa sunna et à sa tradition, à sa pratique, telle qu'elle a été pratiquée par notre prophète et ses compagnons, radiyallahu anhum, jami'an. Ensuite, il a dit, rahimahullah, وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وقال سبحانه وتعالى: زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إلى دي رحمه الله: également, les gens seront ressuscités après leur mort. Comme Allah Azza wa Jalla dit, dans le sens du verset: c'est Allah qui, de la terre, vous a fait croître comme des plantes, puis il vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement. Et dans l'autre verset: ceux qui en m'aient cru prétendent qu'ils ne se seront pas ressuscités. Dis: mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah. Et dans l'autre verset: à Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent, et récompense ceux qui font le bien par la meilleure récompense. Cheikh Rahimallah dit: ils seront jugés et rétribués le jour du jugement dernier. Certains auront leur livre avec la droite et d'autres avec la gauche. Le bienheureux, c'est celui qui obtiendra son livre par la main droite. Et le malheureux, c'est celui qui l'obtiendra par la main gauche. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Et si vous lisez entre parenthèses dans le Coran, ceux qui obtiendront leur livre derrière leur dos, comme dans les explications de ce verset, c'est qu'ils vont l'obtenir avec la main gauche derrière le dos. Car ils voudront le cacher. Ils voudront pas que ce soit vu. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ceux qui obtiendront leur livre avec la main droite. Qu'Allah nous accorde le paradis sans jugement ni châtiment. Et pour cela, faut persévérer. Faut persévérer dans l'apprentissage de tawhid et dans la mise en pratique de tawhid jusqu'au dernier souffle. Et n'écoutez pas les égareurs qui disent que tawhid, c'est une question d'une heure. À tawhid, mes frères, c'est une question d'une vie. Pas d'une heure ou d'une semaine. Celui qui croit que tawhid, ça s'apprend en une semaine, ou en un mois, ou en un an, en 10 ans, il n'a pas compris tawhid en réalité. Il ne l'a pas compris encore en réalité. Et vous connaissez tous l'anecdote qui est arrivée à Cheikh Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab avec ses élèves. Quand ils ont commencé à se lasser, car na'am, oui, effectivement, la science est lourde. Et plus la science est méritoire, plus tu vas sentir une lassitude. Ça, c'est tout à fait normal. Ne sois pas étonné de cela. Par contre, des récits et des conteurs d'histoires, tu peux rester 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures d'affilée, tu ne te lasses pas. Mais tu te lèves de cette assise dans laquelle peut-être tu as pleuré, peut-être tu as été ému, tu as été très touché. Mais qu'est-ce qui reste avec toi ? Rien. Que le vent. Ça, si tu n'as pas pris des péchés en étant dans une assise d'un mubtadi'. Mais par contre, la science de tawhid, c'est une science lourde. La tawhid, c'est toute ta religion. C'est l'islam depuis son début jusqu'à sa fin. C'est tawhid. Comment dire que ça a un terme? Si on parle d'acquérir les notions de base, naam, ça s'apprend en un certain temps. Mais apprendre à connaître Allah, à connaître sa grandeur, sa majesté, à connaître sa puissance, à voir son immensité à travers sa création, à l'implorer comme il se doit, à l'invoquer continuellement, à ce que notre langue soit humide avec son rappel, cette adoration tellement facile, mais combien on l'a fait par jour? Ça, c'est un signe qu'on ne connaît pas encore Allah Azzawajal comme il se doit. Et mes frères, dhikr, c'est pas le sujet maintenant d'en parler, mais j'aimerais bien placer cette fa'ida immense d'Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Al-Wabil Sayyib, quand il a parlé de ce hadith, de cet homme qui est venu demander au prophète alayhi salam que les législations de l'islam sont devenues lourdes pour lui, et de lui montrer une seule à laquelle il s'accrocherait, et qui serait une cause de sa sauver auprès d'Allah Azzawajal. Bien évidemment, cet homme ne cherchait pas à délaisser certaines obligations, mais il cherchait quelque chose qui l'aiderait et qui lui faciliterait les autres adorations. Et le Nabi alayhi salam l'a orienté vers dhikrullah. Dhikrullah, plus t'évoques Allah et plus tu l'invoques par jour, quel que soit le rappel, que ce soit le meilleur des rappels qui est la lecture et la récitation du Coran ou autre, remarque-le dans une journée où tu lis beaucoup le Coran, où tu fais beaucoup de adhkar, où tu fais beaucoup de du'a. Regarde dans cette journée, tu vas le constater par toi-même, que tu arrives à faire des choses que tu ne fais pas habituellement. Allah, il te met une baraka dans cette journée. Et moins tu fais ces choses-là, moins tu as de baraka et moins tu arrives à en faire de choses bénéfiques. Je ferme cette parenthèse. Il a dit, rahimahullah, As-sa'idu yarjuhu mizanu wal kafiru yakhiffu mizanu. Il a dit, le bienheureux, c'est celui dont la balance sera lourde. Et le mécréant, sa balance sera légère. Et les gens qui font les péchés, ils sont exposés à un danger. Peut-être que leur balance sera lourde avec le repentir, avec le pardon d'Allah, et avec les bonnes actions. Et peut-être qu'elle sera légère. Ils seront ainsi parmi les gens de l'enfer. Ils seront châtiés. Autant qu'Allah le veut, et ensuite sortiront du feu de l'enfer, car ils sont morts dans l'islam, ils sont morts muslimines, muwahhidines. Comme vous le savez, le muwahhid, il ne s'éternise jamais en enfer. Le muwahhid, il peut rentrer en enfer, mais il ne s'éternise pas en enfer. فالواجب على كل مكلف أن يحذر سيئات العمل وأن يلزم التوبة والاستقامة لأنه لا يدري متى يهجم عليه الأجل فالحزم كل الحزم أن يأخذ المسلم بالعزيمة ويجاهد نفسه. إلى دي رحمه الله Le devoir pour chaque responsable, c'est d'être en garde contre les mauvaises actions et de se tenir au repentir et à la droiture, car il ne sait pas quand est-ce que son terme arrivera. Alors la détermination, toute la détermination, c'est que le musulman, la détermination, c'est que le musulman, qu'il fasse preuve d'une grande vigilance, qu'il fasse preuve d'une grande vigilance. C'est ça la détermination pour le musulman. Et qu'il fasse des efforts contre son propre nafs jusqu'à suivre la vérité et faire le repentir sincère de tous les péchés pour que si jamais son terme arrive, qu'il soit dans le meilleur des actes et les meilleurs des œuvres, qu'il soit dans la droiture, et ainsi il gagne la réussite et la sauver le jour du jugement. Ensuite, l'auteur Mohammed bin Abdel Wahhab, rahimahullah, a dit وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين والدليل وهو خاتم النبيين والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Dans ce passage, l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, dit Allah a envoyé l'ensemble des messagers pour annoncer la bonne nouvelle et pour avertir. La preuve se trouve dans la parole d'Allah Azzawajal, dans le sens rapproché des versets, des messagers annonciateurs et avertisseurs, afin que les gens n'aient plus d'arguments contre Allah après les messagers. Et le premier des messagers, c'est nous, alayhi salam. Et le dernier, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est le dernier des prophètes. Il est le sceau des prophètes. Et la preuve se trouve dans la parole d'Allah azza wa jalla, dans le sens, nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nuh et aux prophètes après lui. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a dit... Où nous allons finir la traduction de ce passage de l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab avant de lire l'explication de l'imam Abd al-Aziz ibn Baz rahimahullah. Il a dit rahimahullah wa kullu ummatin بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أي الله عز وجل في chaque nation un messager depuis nous, alayhi salam, jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour leur ordonner d'adorer Allah exclusivement et de se préserver de l'idolâtrie, c'est-à-dire l'adoration de Tarout. Et la preuve se trouve dans la parole d'Allah azzawajal, dans le sens, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah, écartez-vous du Tarout. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. Donc jusqu'à la fin de la parole de Ibn al-Qayyim rahimahullah. Donc dans le commentaire de l'imam Abd al-Aziz ibn Baz rahimahullah, il a dit والرسول مرسل إلى جميع الخلق إلى جميع الناس إلى الجن والإنس كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Il a dit le messager est envoyé à tous les hommes, aux djinns comme aux humains. Aux djinns comme aux humains. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le sens rapproché du verset, ô hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Et dans l'autre verset, nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes. Il n'y aura pas de prophète après lui. Et ainsi pour tous les messagers, ils étaient envoyés à leur communauté autant qu'avertisseurs et annonciateurs, depuis leur premier jusqu'à leur dernier. Et le premier d'entre eux, c'est nous, alayhi salam. Allah azza wa jalla l'a envoyé quand il y a eu shirk sur terre, dans leur peuple, dans son peuple. quand il y a eu shirk dans le peuple de Nuh alayhi salam, c'est le premier shirk qui a eu lieu sur terre, 10 ans après la descente de Adam alayhi salam du paradis. Le premier shirk qui a eu lieu sur terre, c'était dans le peuple de Nuh alayhi salam. Et la cause de ce shirk, permettez-moi cette parenthèse pour son importance, la cause de ce shirk, c'était l'exagération au sujet des pieux et des vertueux. C'est ça la cause de ce shirk. Et à travers les images et les statues, à travers les images et les statues. Et nous voyons que ce phénomène revient d'une manière forte à notre époque. L'importance qui est accordée à l'image, à travers ces outils qui ont permis l'accès à la photographie et à ces choses-là. Donc c'est ça la cause du premier shirk qui a eu lieu sur terre. Et pour la gravité du shirk, dès que ce shirk a eu lieu, Allah a envoyé tout de suite le premier messager aux gens de la terre. Alors qu'avant, il y avait des péchés, il y avait des grands péchés, tels que le meurtre, tel que Zina, il y avait des choses de ce genre, mais dès que Shirk a eu lieu, Allah a déjà envoyé le premier messager aux gens de la terre. Et avant lui, il n'y avait que des prophètes qui étaient envoyés. Et il dit, Rahimallah, Cheikh Ibn Baz, et avant Nuh, alayhi salam, il y avait Adam, qui était un prophète messager. Allah Azzajal l'a envoyé à sa descendance, afin qu'ils adorent Allah, avec la législation avec laquelle est venu Adam alayhi salam. Et ils sont restés dans l'islam et dans la droiture, jusqu'à Shirk est arrivé dans le peuple de Nuh. Et quand Shirk est arrivé dans le peuple de Nuh, Allah Azzajal l'a envoyé pour eux, pour le peuple de Nuh, il leur a envoyé Nuh alayhi salam. Donc c'est le premier messager aux gens de la terre après l'arrivée de Shirk. Et à chaque communauté, Allah Azzajal a envoyé un messager. Au peuple de Had, Allah a envoyé Hud alayhi salam. Et il a envoyé Salih alayhi salam. Il a envoyé à son peuple Thamoud. Il a envoyé Ibrahim et l'autre et Shu'aib à des périodes proches. Et ensuite, les prophètes sont venus, nombreux, parmi eux, Moussa, Haroun, Isa, Ayoub, Daoud, Suleyman, et le dernier d'entre eux, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le meilleur d'entre eux, et c'est le dernier des prophètes. Allah Azza wa Jal a dit dans le sens du verset, رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Des messagers annonciateurs, avertisseurs, afin que les gens n'aient plus d'arguments contre Allah après les messagers. قوله تعالى مبشرين يعني يبشرون من أطاعهم بالجنة ومنذرين يعني ينذرون الناس من الشرك بالله ومن النار والعذاب الأليم. La parole d'Allah, annonciateur, c'est-à-dire ils annoncent le paradis à ceux qui leur obéissent. Et avertisseur, ils avertissent les gens contre le shirk et contre le feu et contre le châtiment douloureux si jamais ils désobéissent aux ordres d'Allah. Wa hakadha Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam arsalahu Allah bashiran wa nadhira. قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يعني pour محمد صلى الله عليه وسلم, Allah Azza wa Jalla l'a envoyé autant qu'annonciateur, avertisseur, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le sens de ce verset, Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission, et comme une lampe éclairante. Et dans l'autre verset, Muhammad n'a jamais été le père de l'un d'entre vous, mais le messager d'Allah et le dernier des prophètes. فالواجب على جميع الأمم اتباع رسلهم فكل أمة يجب عليها أن تتبع رسولها وتنقاد لما جاء به من الهدى. Donc le devoir pour toutes les communautés, c'est d'obéir à leur prophète, à leur messager. Chaque communauté doit suivre son messager et obéir et se soumettre à la guidée avec laquelle il est venu. Et Allah Azza wa Jalla l'aura promis sur cela le bonheur dans le bas monde et dans l'au-delà. Wa aktharul khalqi qad asaw rusulahum wa khalafu ma ja'at bihi ar-rusul. Cependant, la plupart des gens ont désobéi à leurs messagers. La plupart des gens ont désobéi à leurs messagers. Et se sont opposés à ce qu'ils ont apporté. Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens rapproché du verset, et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Malgré ton désir ardent. Et dans l'autre verset, dans son sens rapproché, et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Et dans l'autre verset, il n'y a que peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. L'autre verset également, et Iblis a très certainement rendu véridique sa conjecture à leur égard. Ils l'ont suivi, sauf un groupe parmi les croyants. Vous constatez, mes frères, dans tous ces versets, que la majorité est blâmée. Et de toute manière, comme disent les savants, la majorité n'a jamais été louée dans le Coran ni dans la Sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam. C'est la minorité qui a été toujours, c'est la minorité qui a été louée dans le Coran et dans la Sunna. Et ça, c'est quelque chose qui permet aux croyants qui s'accrochent à sa religion et à la Sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, malgré aux croyants qui s'accrochent à la sunna, ça leur permet, malgré leur petit nombre, de continuer à s'accrocher et de se renforcer dans cette voie et de ne pas se sentir étranger. Comment se sentir étranger alors que tu marches sur une voie sur laquelle t'ont devancé, sont passés avant toi l'élite de la création d'Allah Azza wa Jal, les prophètes et les messagers et les compagnons, radiyallahu anhum jami'a. Qu'Allah nous permette de nous accrocher à notre religion dans son authenticité et dans sa beauté telle qu'elle a été révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à sa sunna, la sunna de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a dit, rahimahullah, وكل رسول يدعو أمته إلى توحيد الله وطاعته وترك الشرك به ومعصيته. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إلى دي رحمه الله. Chaque messager appelle sa communauté à l'unicité d'Allah, au tawhid d'Allah, à l'obéissance d'Allah et à délaisser le shirk et la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le sens rapproché du verset, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah. Adorez Allah, comme vous savez dans le Coran, ça signifie unifier Allah. Comme il a dit Abdullah ibn Abbas, à chaque fois que tu trouves dans le Coran, ou'bud, sache que ça signifie Wahid. Adorer, c'est unifier. Car l'adoration, c'est tawhid. Il n'y a pas d'adoration sans tawhid. Aucune adoration n'est comptabilisée auprès d'Allah sans tawhid. Aucune bonne action n'est considérée comme une bonne action que de la part d'un muwahhid. La valeur de tawhid dans l'islam. Rien qu'avec ces termes, ces quelques mots, vous constatez la valeur de tawhid, de la science de tawhid, dans les autres, parmi les autres sciences de l'islam. Et la valeur de la législation de tawhid comparée aux autres législations de l'islam. Et normalement, on doit accorder à cette législation de notre temps et de nos efforts d'apprentissage, yani des efforts proportionnels à sa valeur et à son statut dans l'islam. Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit: "Ubudullah, yani ati'uhu, wahiduhu, wastaqimu ala dinihi, wajtanibu ibadat at-taghut." Adorer Allah, ça signifie obéir à Allah, unifier Allah. Conformez-vous à sa religion, écartez-vous de l'adoration de Tarout. Et Tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, en étant satisfait. Tous ceux qui jugent avec autre loi que celle d'Allah, ou qui appellent au jugement par autre loi que celle d'Allah, et Tarout est pris de Torian. Il dit, rahimallah, Tarout est pris de Torian. وهو تجاوز الحد. الطغيان, ça signifie dépasser la limite. Dépasser la limite. Ou transgresser. يقال طغى الماء إذا جاوز الحد. On dit, en arabe, quand on dit طغى الماء, الماء est طغى. C'est quand il dépasse. Yani, il enfreint les limites et il dépasse les limites. On dit que le ma tara. Wa taghutu huwa alladhi yatajawazu al-hadd imma bi shirkihi wa kufrihi. Donc bien évidemment, quand Ibn al-Qayyim rahimahullah il a dit at-taghut, c'est tous ceux qui jugent avec autre loi que la loi d'Allah azza wa jall. Yani, j'imagine bien que vous connaissez le détail que les hommes de science disent par rapport à ce point. C'est pas toute personne qui juge avec autre loi que celle d'Allah est un tarout, est un kafir. Yani, juger par autre loi que celle d'Allah azza wa jal, c'est du kufr quand ça comporte quand ça comporte al-istihlal. Il croit que c'est autorisé. Il connaît la loi d'Allah par rapport à telle chose, et lui, il va prendre autre loi que celle d'Allah al-Jal, tout en sachant que la loi d'Allah est opposée à cette loi. Yani, il le fait en croyant que c'est autorisé. Ça, c'est du kufr. Je vous donne un exemple simple. Quelqu'un qui boit l'alcool, il sait que l'alcool c'est interdit dans la religion d'Allah. L'alcool pour lui, il te dit, d'après les textes, je sais que c'est interdit dans le Coran. Nabi Aïssa salam l'a interdit, a maudit celui qui le boit. Donc c'est interdit et le boire c'est un grand péché. Mais pour moi, c'est autorisé. Pour moi, c'est autorisé. Sachez que pour celui-là, il est devenu mécréant, il est sorti de l'islam avec cette croyance, quand bien même il boit jamais l'alcool dans sa vie. Donc ce qui le fait sortir de l'islam, c'est cette croyance de kufr, qui est de changer la loi d'Allah en connaissant la loi d'Allah et en allant à son opposé et en le légitimant. C'est ça qui fait sortir de l'islam. Par contre, quelqu'un qui boit l'alcool tout en sachant que c'est interdit, celui-là, il a changé la loi d'Allah. Car la loi d'Allah, c'est de ne pas le boire, et lui, il l'a bu. Mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Car il l'a bu en suivant sa passion. Il l'a bu car sa foi est faible. Il a faibli. Et pour lui, c'est un grand péché de boire l'alcool. Qu'Allah nous en préserve. Et vous pouvez dire comme ça dans toute chose. Car dans tout péché, dans toute chose qui est à l'opposé de la religion d'Allah Azzawajal, ne pas s'y conformer, ça peut être un péché ou ça peut faire sortir de l'islam. S'il y a ce que les hommes de science appellent istihlal. L'istihlal, c'est pour ça que Cheikh Mohammed bin Hadi, qu'Allah le préserve, quand il a commenté cette risale qu'on est en train de traduire avec le commentaire de Cheikh bin Baz, il a souligné ce point. Il l'a souligné. Il a dit, celui qui le fait, mustahillan zalik. Et c'est pas de manière absolue. Et c'est ça l'explication de Salaf, depuis le premier d'entre eux jusqu'au dernier des hommes de science. Ils n'ont pas eu de divergence sur ce point. Ceux qui ont divergé, c'est le Khawarij et les égarés. Et ceux qui ont la même croyance que eux par rapport à ce point. Je ferme cette parenthèse. Il a dit, rahimallah, At-Tarut, c'est toute chose avec laquelle on dépasse les limites. Ou bien en tombant dans l'associationnisme ou la mécréance, ou en appelant à cela. Et le pire d'entre eux et leur tête, c'est Iblis, qu'Allah le maudisse. Ici, qu'Allah le maudisse, est-ce que c'est un dua ou c'est une information? Deux avis parmi les avis des hommes de science sur ce point. Il y en a qui disent que c'est une information. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui maudis Iblis. Ce n'est pas Cheikh Ibn Baz qui maudit Iblis. C'est Allah qui l'a maudit dans le Coran et moi je ne fais que d'informer. Et beaucoup d'hommes de science choisissent l'avis que ce n'est pas autorisé de maudire Iblis, mais de dire ce que le prophète alayhi salam nous a enseigné. Comme dans le hadith de ce sahabi, dans la monture à trébucher, il a dit « Ta'is al-shaytan, malheur au shaytan ». Allah Azza wa Jalla, le Nabi alayhi salam lui a dit « Ne dis pas ça, car quand tu le dis, il se gonfle d'orgueil ». Yani, il dit, c'est moi qui lui a fait ça. Il croit que c'est moi qui lui a fait ça. Shaitan, il s'enfle d'orgueil. Mais dit, Bismillah, il devient petit, comme la petite fourmi. Donc c'est ça qui nous est légiféré par rapport à Shaitan. C'est de dire, Bismillah, quand une chose trébuche. Ensuite, il a dit, Rahimallah, وهكذا كل من دعا الى عباده نفسه ainsi toute personne qui appelle à l'adoration de sa propre personne comme certains chouyours de Toroq Sofia qui appellent leurs suiveurs leurs mourides ils les appellent à les adorer et ils les adorent devant eux sans blâmer cela wal iyad billah quel égarement et croire qu'on est dans l'islam. Bien sûr, mes frères, il y a quelque chose que je rappelle à chaque fois que je parle de l'excommunion et de faire sortir quelqu'un de l'islam. Ceci est un droit exclusif des hommes de science. C'est vers eux que nous devons revenir pour connaître le statut d'une personne qui est tombée dans un acte de kufr. Et c'est pas à nous, débutant dans la science et encore avec beaucoup d'ignorance, de commencer à donner, à distribuer ces statuts à des gens qui se disent muslimines. Ceux qui se disent kuffar, un chrétien, un juif, Hadou, c'est des kuffars, c'est eux qui le disent. Mais nous parlons de ceux qui se disent musulmans. Pour cela, il faut revenir aux hommes de science, car il y a des conditions qui doivent être vérifiées. Et il y a des obstacles qui doivent être levés avant de donner le statut de la mécréance à quelqu'un qui se dit musulman. Et le statut de la mécréance, quand il est donné par ceux qui sont habilités à celui qui le mérite, c'est un bon jugement. Sinon, c'est un mauvais jugement. Voilà, je ferme cette parenthèse. Il a dit, rahimahullah, « Aw radiya an yu'bada min dounillah, ka fir'auna wa an-namroud, aw idda'a shay'an min 'ilm al-ghayb » Ou ceux qui acceptent qu'ils soient adorés en dehors d'Allah, tels que Fir'aun, tels que Namroud, ou ceux qui prétendent connaître l'invisible, tels que certains sorciers et devins et charlatans, tels que les sorciers dans la période anti-islamique, et également les sorciers dans l'islam, ceux qui vivent parmi les musulmans et qui pratiquent sihr. Ça, c'est un kufr. Et ainsi, celui qui juge avec autre loi d'Allah Azzawajal, volontairement, Cheikh Mohammed, comme vous, je vous ai dit, il a commenté cette phrase, il a dit, Mustahillan dhalik. Yani, il se l'autorise, il croit que c'est autorisé. L'istihlal, c'est quoi? Comprenez bien ce que c'est l'istihlal. Car comme vous savez, même Al-Huwayni, il s'est trompé dans la compréhension de l'istihlal. L'istihlal, ça comporte deux points. Connaître la loi d'Allah et croire que autre loi, ni croire autre loi que celle d'Allah, tout en connaissant la loi d'Allah. Comme l'exemple de l'alcool. Il dit, Allah interdit l'alcool, pour moi l'alcool c'est autorisé. Par contre, quelqu'un qui dit l'alcool est autorisé, il ne sait pas le jugement d'Allah, ça c'est pas un istihlal. On lui apprend le jugement d'Allah, et quand il prend conscience du jugement d'Allah, là, il doit changer de position. Sinon, c'est un sihlal. Donc ceux-là, ce sont les têtes de Tawarit qui ont dépassé les limites et qui sont sortis de l'obéissance d'Allah, on les appelle Tawarit. قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. Dans le sens rapproché de ce verset, nulle contrainte en religion, le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Le bon chemin, c'est l'islam avec lequel est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec lequel est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'égarement, c'est la mécréance. C'est la mécréance. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Quiconque mécroit au tagout, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. Celui qui mécroit au tagout, c'est-à-dire il se désavoue de tagout, il croit qu'il est caduc et il se désavoue de shirk, de l'associationnisme, et croit en Allah, il croit que Allah il est l'unique adoré, la divinité de vérité, il croit en sa législation et en son prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Il se soumet à tout ça. C'est ça le croyant qui s'est accroché à l'anse la plus solide qui est la ilaha illallah, la parole de l'unicité. C'est-à-dire qui s'est accroché à l'anse qui ne peut jamais se briser. Pour celui qui s'y accroche en étant véridique et qui suit la droiture, il arrivera au paradis. Au paradis d'Allah Azzawajal. Car cette parole a des droits qui est l'unicité d'Allah et son obéissance et le suivi de sa législation. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et messagers. Il est le messager d'Allah à tous les gens de la terre, parmi les djinns et les humains. Tous les responsables doivent lui obéir et suivre sa législation. Et il n'est permis à personne de sortir de sa législation, car toutes les législations précédentes ont été abrogées par la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah Azza wa Jalla dit, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Ô hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. وقال قبلها سبحانه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Dans le sens, ceux qui croient en lui, Allah Azza wa Jalla dit, avant ce verset, il a dit, le verset qu'on a lu précédemment, ô hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah, il a dit avant, ceux qui croient en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivent la lumière descendue avec lui, ceux-là sont les gagnants. Et quiconque d'entre les groupes n'y croit pas aura le feu comme rendez-vous. Et notre noble prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌ وَلَا نَصْرَانِيٌ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ. Dans le sens de ce hadith, notre prophète alayhi salatu wassalam a dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains, pas un seul parmi cette communauté, que ce soit un juif ou un chrétien, entend parler de moi, puis meurt sans avoir cru à ceux avec lesquels j'ai été envoyé, sans qu'il ne fasse partie des gens de l'enfer. Ça, c'est rapporté dans l'authentique de Muslim. Et ensuite, il a dit, Rahimallah, et les versets, les hadiths qui sont rapportés à ce sujet sont nombreux. Et les hommes de science sont unanimement d'accord que personne n'est en droit de sortir de la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que celui qui croit cela permis, c'est un mécréant. Une grande mécréance qui fait sortir de la religion, qu'Allah nous en préserve. Pourquoi insister sur ce point? Car il y a beaucoup de soufis, et surtout parmi leurs têtes, qui croient cela permis. Et ils prennent comme shubha al-Khadr. Ils disent que le Khadr est resté vivant jusqu'à l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il est resté sur sa législation, et qu'il n'a pas suivi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est parler sans science. C'est des paroles qui n'ont aucun fondement et qui n'ont aucun dalil. Et dans le hadith, رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. Dans le hadith, la tête des commandements et l'islam, son pilier est salat, et son summum, dhirwatu salam, c'est un mot qui se lit, yani, dhal, ça admet les trois harakat, et les trois sont justes, on dit dhurwa, dharwa, dhirwa, c'est une kalima, مثلثة. ذروة السلام, c'est la bosse du chameau, son sommet. Ça s'appelle ad-dhirwa. Donc, le sommet ou le summum de l'islam, c'est al-jihadu fi sabilillah. C'est le combat dans le sentier d'Allah. Cheikh Ibn Baz, rahimallah, il dit, il incombe à tous les responsables d'unifier Allah, à toutes les personnes responsables d'unifier Allah, et de l'adorer seul, sans toute autre chose, et de mécroire au Tarout, et de blâmer son adoration, l'adoration du Tarout. Ça ne suffit pas de ne pas adorer le Tarout, mais il faut ne pas l'adorer et en plus croire que son adoration est caduque et nulle. C'est ça le Tawhid, mes frères. Tawhid, c'est pas que tu adores Allah seul. Ça, c'est la moitié du Tawhid. L'autre moitié, c'est de croire la nullité de toute chose adorée en dehors d'Allah Azzawajal. C'est pour ça, c'est la ilaha illallah. Affirmation, négation. Il a dit ensuite, et de suivre sa législation, la législation d'Allah, et de vénérer l'ordre et l'interdit d'Allah, ce qu'il a ordonné et ce qu'il a interdit. Car plus Tawhid augmente dans le cœur, plus tu vas accorder d'importance à ce que Allah a ordonné et à ce que Allah a interdit. Et tu vas moins transgresser. Plus Tawhid augmente, moins tu transgresses. Yani, à titre d'exemple, comme les savants le donnent comme exemple, ils disent désobéir à un roi extrêmement puissant de la terre qui gouverne un pays, c'est pas comme désobéir à un balayeur. Plus l'estime et le statut de celui qui est désobéi augmente, plus la désobéissance deviendra difficile et les conséquences seront lourdes. Et pour Allah, la meilleure des exemples, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. La tête du commandement, c'est-à-dire la tête de la religion, c'est l'islam, c'est-à-dire l'attestation « La ilaha illallah » et que Muhammad et le messager d'Allah, celui qui se conforme à cette attestation, on peut dire une attestation, comme on peut dire ces deux attestations. Celui qui se conforme à cette attestation, il rentre dans l'islam. Et le pilier et son pilier, c'est As-Salat, qui est le deuxième pilier de l'islam, parmi les plus importants des piliers après les deux attestations. Et ensuite la zakat, et ensuite le jeûne, et ensuite le hajj, ensuite les autres ordres d'Allah Azza wa Jal, le reste des ordres d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et le jihad, c'est le summum dans cette religion. Il a dit, rahimahullah, car لأن به صيانة الدين وحمايته, car c'est avec le jihad que la religion est préservée, que la religion est préservée, et c'est par le jihad également que les gens sont appelés à Allah, à la religion d'Allah, et qu'il se conforme à la vérité. Donc de ce point de vue, il est le summum dans cette religion, car il comporte la préservation de la religion et il comporte l'appel des gens à la vérité. Wallahu a'lam. Fin de ce livre et de ce commentaire extrêmement bénéfique et profitable. Qu'Allah nous fasse profiter tous de ce que nous avons lu. J'avais préparé quelques fawaïd tirés du livre de l'imam Ibn Abdul Barr sur l'adab, sur la demande de science de manière générale, et quelques conseils qui me tiennent énormément à cœur et que j'aurais aimé, pas moi seul, moi et certains de mes frères qui sont des tollab ilm en niveau magistère ici, fil Madina, parmi les frères salafiyin, des choses qui me tiennent à cœur et que j'aurais voulu partager avec mes frères afin qu'on ait une clairvoyance dans notre religion et qu'on ait une bonne compréhension de cette religion et qu'on ne soit pas leurré. C'est des conseils que j'adresse à ma propre personne. Tout d'abord, Allah sait que j'en ai besoin, et ainsi qu'à mes frères et je vais essayer d'aller vite, car je pensais que j'allais finir le cours rapidement pour consacrer plus d'une demi-heure à cela, mais je vais essayer d'aller vite, bi'idhnillah. Donc, comme vous savez, mes chers frères, talab al-ilm, c'est une obligation pour nous tous. Il a été rapporté dans le hadith Anas radiallahu anhu. Bien sûr, tout ce que j'ai tiré comme hadith ou athar, c'est que des athar et des hadith authentiques ou hasan, sahih ou hasan. Et je n'ai pas pris ce qui est faible. C'est pour ça que je ne vais pas m'attarder à dire à chaque fois al-hukm et qui a donné ce hukm parmi les muhaddithin. Et pour celui qui veut plus de fa'ida, il revient au livre. Jami'u al-ilmi. جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر رحمه الله. Donc طلب العلم c'est une obligation pour nous tous, pour chaque musulman, également pour chaque musulma, homme ou femme, vieux, âgé ou jeune, parmi les hommes comme parmi les humains comme parmi les djinns. Pour nous tous, طلب العلم c'est une obligation. Nabi عليه الصلاة والسلام a dit dans hadith Anas: طلب العلم فريضة على كل مسلم. La demande de science est une obligation pour tout musulman. Pour tout musulman, ça englobe musulman et muslima. Et le mérite de la science, on ne va pas s'y attarder, car pour vous tous, très certainement, vous devez connaître le mérite de la science pour celui pour qui Allah a permis de mettre en pratique ce qu'il apprend. Comme il a dit l'imam Ahmad, فَضْلُ الْعِلْمِ لَا يَعْدِلُهُ شَيْءٌ لِمَنْ صَلُحَتْ نِيَّتُهُ. Le mérite de la science n'est égalé par rien pour celui, à condition, pour celui, il a dit, qui a une bonne intention. Pour celui qui est sincère, rien n'égale par la ilm. Et dans le hadith Mu'awiyah radiallahu anhu, il a dit, le Nabi alayhi sallallahu alayhi a dit, مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Celui pour qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. الْفِقْهُ فِي الدِّينِ, c'est d'apprendre toute notre religion. Ce n'est pas uniquement le fiqh. Connaître, ça c'est halal, ça c'est haram. Mais ça englobe tous les domaines de la religion. Ensuite, l'imam ibn Abd al-Barr, il a fait un chapitre dans lequel il a parlé de l'incitation à avoir une constance, une assiduité dans talab al-ilm et de patienter dans cette voie sur les épreuves et les difficultés et la pauvreté que puisse rencontrer talab al-ilm. Il faut patienter dans cette voie. C'est demander et d'avoir une constance. Alhamdulillah pour ceux qui ont pour qui Allah a permis de suivre ce cours depuis son début jusqu'à sa fin, alhamdulillah, c'est une étape dans talab al-ilm. Il faut continuer et persévérer. Dans le hadith, le Nabi عليه الصلاة والسلام a dit, « Man humani la yashba'an, talibu ilmin wa talibu dunya. » Deux personnes avides ne sont jamais, sont insatiables. C'est-à-dire, il ne se rassasie jamais. Deux, c'est qui cela? Nabi alayhi sallam a dit, un demandeur de science et un demandeur de dunya. Un demandeur de dunya, vous le voyez d'une manière claire. Plus les affaires se multiplient, plus il en veut. Et un talib ilm également. L'imam Malik rahimahullah a dit, il ne se doit pas pour quelqu'un qui a une science de délaisser l'apprentissage, de délaisser la demande de science. Celui qui a appris un petit peu, il ne faut pas qu'il s'arrête, il faut qu'il continue à apprendre. Et ensuite, il a rapporté une parole selon Omar, Mawla Ghafra, il a dit, لا يزال العالم عالما ما لم يجسر في الأمور برأيه وما لم يستحي أن يمشي إلى من هو أعلم منه. Il a dit, رحمه الله, l'homme de science ne cesse d'être un savant tant qu'il n'ose pas parler dans la religion avec son avis, de son avis. Et tant qu'il n'est pas honte d'aller vers celui qui a plus de science que lui et d'apprendre de lui. Tant qu'il a ces deux points, ça ne cessera d'être un homme de science, digne de cette appellation. Il ne parle pas de la religion, de ses avis et de ce qu'il pense. Encore moins, il fait des fatwas de par son ignorance et de lui-même. Et également, qu'il n'ait pas honte d'aller assister à un cours de quelqu'un qui a plus de science que lui. Et même quelqu'un qui a autant de science que lui. Et même quelqu'un qui a moins de science que lui. Comme Salaf ont dit dans d'autres paroles, que disait beaucoup Taqiyuddin Hilali rahimahullah, le Marocain, il disait « La yanbulu l'alim hatta yata'allama mimman huwa fawqahu wa man huwa mithlahu wa man huwa duna. » L'alim n'atteint un grand niveau jusqu'à apprendre de celui qui est plus grand que lui dans la science, qui est égal à lui, qui est inférieur à lui dans la science. Donc ça, c'est pour l'homme de science. Que dire pour celui qui n'est pas un savant, qui est peut-être un talib ilm, et encore moins celui qui n'est pas un talib ilm? Comment il parle dans la religion de par ses avis et ses opinions? Il fait des efforts lui-même, il répond à des questions. Qu'Allah nous en préserve. Wahb ibn Munabbih a dit, rahimahullah, inna lil'ilmi tughyanan ka tughyani al-mal. Il a dit, la science a un caractère autoritaire comme l'argent on en a un. L'argent donne un pouvoir et une autorité. C'est de même pour la science. Alors il faut faire gaffe à cela. Il faut faire attention. Ça, c'est une mise en garde. Et il a fait un chapitre dans lequel il a parlé de la modestie avec laquelle il doit s'embellir. طالب العلم. Dans le hadith Abi Huraira radiallahu anhu, man tawada'a lillahi ou lafdhuhu ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ah. Celui qui se fait modeste, Allah l'élève. Ils ont dit à un sage, ça également ça a été rapporté dans ce livre, ils ont dit à un sage, quel est le bienfait? Man ni'matu allati la yuhsadu 'alayha sahibuha. Ils ont dit, quel est le bienfait sur lequel personne ne t'envie? Si tu l'as, personne ne t'envie sur ce bienfait. Tu n'es pas jalousé sur ce bienfait. Il a dit la modestie. Personne n'envie quelqu'un parce qu'il est modeste. Et ils lui ont dit, et quel est le malheur que quand quelqu'un l'a, personne n'ait de pitié ni de rahma vis-à-vis de lui. Il a dit, al-ujb. Al-ujb. Wal-iyadu billah min al-ujb. Al-ujb, c'est l'émerveillement par soi-même. C'est la vantardise. Et la stupéfaction par soi-même. Cheikh Abdallah al-Bukhari, qu'Allah le préserve, il cite beaucoup cette parole, il dit « Al-ujbu yahdimu kull al-mahatin ». Il dit, et ça c'est une parole qui a été rapportée également dans ce livre, parole de Salaf. Il dit « Al-ujb démolit toutes les vertus, toutes les qualités ». Tu peux avoir autant de qualités que tu souhaites, quand il y a l'ujb, ça détruit tout. Et du livre d'Ibn Muflih, rahimahullah al-Hambali, qui s'appelle Adab Shar'iyya, il y a des paroles que j'ai pris d'un livre de le grand savant Hamoud Touijri, rahimahullah, et lui, il a pris ces paroles de ce livre d'Ibn Muflih. L'imam Ahmad l'imam Ahmad rahimahullah, il a dit, Sofiane ne faisait jamais de fatwa, ou presque jamais, au sujet du divorce. Et il disait, qui maîtrise cela? Qui maîtrise cela? Alors écoutez bien, l'imam Ahmad, il rapporte de Sofiane, rahimahullah, qu'il ne faisait quasiment jamais de fatwa au sujet du divorce. Et il disait, qui maîtrise ça, qui maîtrise ça? À son époque déjà. Alors que dire de notre époque? Que dire de notre époque? Alhamdulillah, que j'ai vu la plupart de mes chouhours, la plupart des savants à Médine, personne ne répond à des questions de divorce. Tous ils orientent vers le comité des grands savants et vers le comité de l'Ifta. Ils répondent pas eux-mêmes, des savants. Et il a rapporté également de Soufiane, selon Muhammad ibn Abi Tahir, que Soufiane, rahimahullah, il était interrogé au sujet d'une question concernant le divorce. Il l'a dit à celui qui l'a interrogé, il a dit au questionneur, pose la question à autre que moi, car je n'ai pas le droit de faire des fatwas au sujet du divorce. Je n'ai pas le droit de faire des fatwas au sujet du divorce. Donc ça, c'est les paroles des imams. Et c'est ce que je conseille à tous mes frères. C'est de ne jamais se mêler à ces questions. Et pour ceux qui sont auprès des savants, s'ils ont la capacité de prendre tous les éléments et de les exposer à des hommes de science et d'avoir leurs réponses et de les transmettre, ils seront récompensés pour cela. Mais que eux, ils commencent à se mêler de ces choses-là. Et soi-disant, parce qu'il a déjà questionné sur une affaire similaire, il répond de lui-même. Mes frères, si vous connaissez quelqu'un comme ça, à commencer par moi le premier, faut remonter, il faut le conseiller. Et s'il n'arrête pas, il faut remonter son dossier aux hommes de science, afin qu'ils donnent un jugement le concernant. Naam, conseiller un couple en différent, un couple dans une situation difficile, les conseiller pour qu'ils restent ensemble, ça c'est une bonne chose. Mais commencer à dire t'es divorcé, t'es pas divorcé, il vaut mieux pour toi de divorcer, il vaut pas de divorcer. Na'oudhu billah, de tomber dans cela. Qu'Allah nous en préserve. Et comme j'ai dit, si vous connaissez quelqu'un comme ça, à commencer par moi le premier, faut lui faire nasiha. Car vous avez écouté les imams, qu'est-ce qu'ils disent? Et ce que les savants à Médine ils font, comment nous on rentre dans ça? Soi-disant parce que j'ai déjà interrogé sur une question similaire. Non. Laysa hadha 'ushuki fadruji. C'est pas de ton ressort, c'est pas tes affaires. Ne te mêle pas de ça. Le dernier athar, ou l'avant-dernier, qui a été rapporté par l'imam Darimi, rahimahullah, dans ses sunan, toujours d'après le livre de Cheikh Hamoud Touijri, rahimahullah, concernant ceux qui se hâte à faire le fatwa, il a dit, selon Hudayfa radiallahu anhu, innama yufti an-nasa ahadu thalatha, rajulun ya'lamu nasikha al-Qur'an wa mansukha, wa amirun la yajidu budda, wa ahmaqun mutakallif. Il a dit, ils ne font le fatwa aux gens que trois personnes. Trois catégories de personnes qui font le fatwa. Le premier, c'est un homme qui connaît al-nasikh wal-mansukh du Qur'an. Il connaît du Qur'an ce qui est abrogé et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est un savant, c'est un alim. Il connaît le Qur'an, il connaît les versets abrogés, les versets qui ne sont pas abrogés, les versets explicites, les versets implicites. Et il connaît cela également de Sunna, qui est la science. Celui-là, il a dit, il fait le fatwa. Et le deuxième, il a dit, wa amirun la yajidu buddha. Et un gouverneur, l'émir, qui doit répondre aux questions des gens et qui ne trouve aucune issue pour ne pas répondre. Il est contraint de répondre. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième, il a dit, wa ahmaqun mutakallif. Et un fou affaité, un fou apprêté qui veut prendre des choses qui ne font pas partie de son ressort. C'est un fou celui-là. Ibn Sirin, qui a rapporté ce affaire de Hudhayfa, radiallahu anhu, il a dit, moi je ne suis pas un de ces deux-là. C'est-à-dire le savant, ni le gouverneur. Et j'espère ne pas être le troisième. Nous aussi, on n'est pas le premier, ni le deuxième, et on espère ne pas être ce fou qui répond à des questions, qui répond aux questions, et encore pire, qui répond aux questions du divorce. Darimi rahimullah rapportait toujours selon Suhnoun. Suhnoun, comme vous savez, c'est celui qui a fait rentrer le madhab al-Maliki dans le Maghreb. Un élève de Malik rahimahullah. Il a rapporté selon Suhnoun ibn Sa'id, il a dit أجسر الناس على الفتوى أقلهم علما يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم فيظن أن الحق كله فيه. Il a dit, ceux qui osent le plus dans le fatwa, c'est ceux qui ont le moins de science. L'homme apprend un chapitre de la science. Il a appris un chapitre. Et il y en a qui n'ont appris aucun chapitre. Comme il a dit, Cheikh Abdallah al-Bukhari, qu'Allah le préserve, tu lui dis, qu'est-ce que ça veut dire l'ila, qu'est-ce que ça veut dire zihar, quand est-ce que cela est fait, des choses, quand tu lis un seul livre de science, tu les connais. Peut-être que lui, il ne connaît pas ces choses-là. Il répond aux questions, et encore pire, aux questions du divorce. Il a dit, l'homme apprend un seul chapitre de la science et il pense que toute la vérité se trouve dedans. Donc, pour finir, 5 conseils en me basant sur ces athars, à moi-même le premier et à tous mes frères pour qui j'ai de l'amour dans cette sunna et pour qui je veux le bien. Le premier, c'est de ne pas se lancer dans le fatwa et de rendre cela à ceux qui ont la science. Et si toi tu es avec les savants, fais le rôle de poser les questions et de rapporter les réponses. Fais le rôle de la transmission des fatwa et ne pas de devenir toi-même le mufti, alors que tu n'as pas encore les outils. Tu n'as pas été reconnu par les hommes de science pour être habilité à le faire. Deuxième point, propager cette science pour Allah et en cherchant la face d'Allah Azzawajal et sa satisfaction. Et pour remercier le bienfait d'Allah sur nous. Allah t'a guidé dans ce salafia. Allah peut-être t'a permis d'apprendre auprès de savants qui t'ont donné cette science. Qu'elle soit petite ou grande, mais cette science que t'as acquise, tu l'as pris de qui? Des savants. Ces savants ne t'ont pas demandé un salaire contre cette science. Ils te l'ont donné fi sabilillah. Alors remercie cette ni'ma et propage la science pour Allah. Je ne dis pas que prendre un salaire pour enseigner quelque chose est interdit. Mais remercie le ni'ma d'Allah Azzawajal de t'avoir guidé dans ce salafia, de t'avoir accordé une science. Si tu en as de la science, le minimum, c'est de la propager comme tu l'as reçue. Et non pas d'exiger des salaires de tes frères salafiyin qui ne cherchent qu'à apprendre leur religion. C'est pour ça que celui qui veut enseigner aux gens, et bien évidemment en France, quand on parle d'enseignement et d'effort avec les frères, c'est limité à traduire les ouvrages des hommes de science aux frères, qui correspondent au niveau de celui qui traduit et également à ceux à qui il traduit. C'est pas de faire des livres de niveau confirmé. Normalement, c'est que des choses pour débutants. Il y en a quelqu'un qui arrive à Boulour al-Maram, il étudie toujours en français, il y a un problème. Normalement, on apprend les bases de notre religion en langue française parce qu'on n'a pas l'arabe, et ensuite, on apprend l'arabe, ou l'arabe en parallèle, jusqu'à avoir un bon niveau qui nous permet d'écouter et de comprendre les paroles des savants. Et même si on comprend pas tout, alhamdoulilah, ce qu'on comprend, c'est une ni'ma, et ce qu'on comprend pas, on revient à nos frères qui nous ont devancés dans l'apprentissage et pour nous expliquer les choses qu'on n'a pas compris. Le troisième point, c'est que chacun d'entre nous doit connaître la valeur de sa personne. Et chacun de nous doit se limiter aux choses qu'il maîtrise et ne pas rentrer dans des choses qui sont plus grandes que lui. Donc, comme j'ai dit, enseigner les livres qui correspondent au niveau du traducteur comme au niveau de ceux à qui il traduit. Et yani de prendre en considération le niveau des frères avec qui tu fais des efforts. Et je ne dis pas de tes élèves. Wallah, comme on dit en arabe, هذه قاسمة الظهر. Qu'un frère qui fait des efforts avec ses frères, il les appelle ses élèves. Les élèves, c'est les élèves d'un cheikh. Subhanallah, nous, ici, on voit des gens qui sont considérés comme des savants. Et nous, on est leurs élèves, na'am. On est leurs élèves. Mais ils nous disent, mes frères, par modestie de leur part, mais on sait à quel niveau ils sont dans l'ilm. À quel grand niveau dans l'ilm ils sont. Et à quel petit niveau dans l'ilm on est, nous. Malgré ça, ils disent, mes frères. Alors, il faut savoir ce qu'on vaut, et ce qu'on est, et ce qu'on fait, et pourquoi on le fait. Il n'y a pas élève et cheikh. Il y a un frère qui a un niveau avancé, qui fait des efforts avec ses frères. Alhamdulillah. Et c'est une ni'ma immense pour toi, akhi, si Allah t'a choisi pour aider tes frères pour Allah et en Allah. Et c'est une manière pour toi d'enrichir tes connaissances et d'augmenter ta science. Car hayatul ilmi mudhakaratuhu. Et fait partie de connaître ta vraie valeur, c'est de savoir que ces cours de traduction que tu fais avec tes frères, c'est du dépannage, bricolage, afin d'enseigner à ceux qui ne connaissent pas les bases de l'islam, de leur enseigner ses bases et ses fondements, que ce soit dans l'aqida, que ce soit dans salat, comment prier, comment faire les ablutions. C'est du dépannage, bricolage. Car la vraie science, c'est auprès des hommes de science. Et la vraie science, ça se fait dans la langue de la science, la langue arabe. Et ça, je ne cesse de le répéter, et je ne cesserai de le répéter, bi'inillah, afin que ça me soit bénéfique à moi, ainsi qu'à mes frères. Il faut bien se mettre dans la tête que quand tu apprends en langue française avec un frère, c'est une période qui ne doit pas durer éternellement. Ouah, quelqu'un, il apprend 10 ans avec un frère en français. Subhanallah. An-Nawawi rahimahullah, par rapport à khutbah de Jumu'ah, il a dit que l'imam, quand les muslimines, ils vont conquérir une terre de kufr, ça va devenir une terre d'islam, donc c'est pas des arabes. Il va leur faire khutbah de Jumu'ah dans leur langue pendant 2 ans. Et après, il l'a fait uniquement en arabe. Pourquoi? Parce que 2 ans, c'est largement suffisant pour apprendre l'arabe. Et même pour maîtriser l'arabe. Et bien comprendre le cours d'un savant, de A à Z. Moi, je dis 1 an, tu commences à comprendre assez bien. Et il ne faut pas attendre d'arriver à un bon niveau pour commencer à écouter. Il faut habituer son oreille au cours des savants. Et si vous trouvez des cours sous-titrés en français, avec un traducteur digne de confiance, écoutez-les, c'est bien. Comme ça, vous vous familiarisez avec les savants. Et ne pas rester toute une vie avec les traductions, avec le frère Intel y traduit, le frère Intel y traduit. Ça, c'est, yani, c'est une passerelle pour toi dans ta vie. Mets-toi bien ça dans la tête. C'est une période passagère. Quatrièmement, lier les gens et les frères, ainsi que les sœurs, les lier aux hommes de science et les encourager à écouter les cassettes et les audios des savants et leur traduire ces audios, leur traduire leurs livres jusqu'à ce qu'ils apprennent la langue arabe et qu'ils puissent profiter directement par eux-mêmes. Et si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair, revenir à des frères qui sont plus avancés dans l'ilm pour nous expliquer ce qu'on n'a pas compris dans ce cours de cet homme de science. Et cinquièmement, ce point avec lequel je termine, et je m'excuse beaucoup pour avoir fait durer ce cours plus que prévu, mais j'espère que ça va être bénéfique et profitable. Il faut savoir que c'est un grand honneur pour l'un d'entre nous de faire connaître les savants aux frères salafiyin et de les lier aux hommes de science. C'est un grand honneur pour toi d'être un traducteur de leurs cours et de leurs audios et de permettre à la Ummah de connaître ces savants, même s'ils n'ont pas la langue arabe. Par contre, venir avec des paroles de ta propre tête et parler de toi-même, comme on dit en arabe, min kisihi, ça, il n'y en a pas besoin. Il n'y en a pas besoin que tu nous dises des choses de ta tête. Ça suffit comme mérite et comme sharaf que tu traduises les paroles des savants. Et les explications et les commentaires supplémentaires, c'est dans le cadre du besoin. Quand une chose t'estime qu'elle n'est pas claire, qu'elle nécessite un détail, que le savant, à cet endroit, il ne l'a pas détaillé, mais l'a détaillé ailleurs, ou c'est une chose dans laquelle il peut y avoir des shubuhat, la clarifier et l'expliquer, ça c'est une bonne chose. هذا والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.